Il est 9h. Living in the Past. Le meilleur du classique. Hi, this is Robert Plant. Hi, this is Jimmy Page of Led Zeppelin. This is Angus Young of AC/DC. Hi, this is Kenny Jones. Hi, this is Paul Rodgers. Hi, this is Mick Jones of Foreigner. This is Alice Cooper. Hi, this is Dave Menichetti of Y&T. Hi, this is Gary Moore. Hi, I'm Ian Anderson. Hi, this is David Coverdale, and you're listening to Classic Rock Radio. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Amis du rock, bonjour, très heureux de vous retrouver en ce lundi 9 octobre, vous pouvez pas savoir, ça nous fait du bien de retrouver le chemin du studio et de m'inviter quelque part, chez vous ou sur votre lieu de travail. On a débuté cette matinée classique rock avec Tom Petty et Free Falling, extrait de l'album de 1989, Full Moon Fever. Pourquoi avoir choisi ce titre? Eh bien, parce que la grande famille du rock est à nouveau endeuillée. Nous avons en effet appris en début de semaine dernière le décès inopiné à l'âge de 66 ans d'une des vedettes les plus sympathiques du monde du rock, Tom Petty, qui a été retrouvé inconscient dans sa maison de Malibu. Il avait été intronisé en 2002 au Rock and Roll Hall of Fame, inoubliable pour ses hits tels Learning to Fly qu'on va écouter à l'instant, et notamment ce Free Falling, mais il y a aussi bien d'autres comme Refugee. Et Tom Petty a aussi fait partie de l'aventure Traveling Wilburys, un super groupe dans lequel on retrouvait notamment Bob Dylan, Jeff Lynne, Electric Light Orchestra, George Harrison et Roy Orbison. Et le singer-songwriter est né à Gainesville en Floride le 20 octobre 1950, et la vocation de Tom Petty s'est révélée très tôt. Un de ses oncles l'avait emmené un jour sur le tournage d'un film d'Elvis Presley. Imaginez, approcher le King. Cela a rempli la tête du jeune Tom de rêves de rock'n'roll, et il serait lui aussi un musicien de rock, telle était sa décision. Et c'est en jouant dans différents groupes locaux que Tom Petty a commencé à s'étalonner. Son jeu de guitare incisif et sa voix légèrement éraillée furent des atouts pour pratiquer un rock à la fois teinté de blues et de country. Et c'est en rejoignant Mudcrutch que Tom Petty a rencontré deux de ses futurs compagnons au long cours. Tout d'abord le guitariste Mike Campbell et ensuite le clavier Ben Montenk. Le noyau dur de Tom Petty and the Heartbreakers était en place. Et en 1974, Murdoch part pour Los Angeles avec un contrat chez Shelter Records en poche. Et le groupe existe au départ sans succès notable jusqu'en 1975. Il faudra attendre en effet 1975 pour que le succès soit à l'arrivée. Et peu de temps après, Tom Petty et ses complices formèrent le groupe légendaire Tom Petty and the Heartbreakers, que l'on retrouve ici avec un de leurs plus grands succès, Learning to Fly de 1991, extrait de l'album Into the Great White Open. Bonne matinée à tous sur les ondes d'RQC. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. The hardest thing were the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn, say life will beat you down, break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Hardest thing, I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. Un super Tom Petty, Learning to Fly. Nous sommes tristes de l'avoir perdu, mais heureusement, il nous reste ces fabuleux succès, ces fabuleux albums dont il nous a gratifié tout au long de ces années, depuis l'année 1975, disais-je. Alors, au programme... Aujourd'hui, bien, nous allons débuter véritablement notre émission par notre rubrique habituelle des anniversaires. Nous poursuivrons aussi notre saga à propos de la musique progressive. Notre séquence Rock Made in France sera consacrée à un artiste un peu oublié maintenant, Little Bob Story. C'est un artiste breton, originaire du Havre, je crois. Et nous enchaînerons avec l'album du jour. J'ai choisi aujourd'hui un album de 1989, Roy Orbison and Mystery Girl. Et enfin, on terminera l'émission du mieux que l'on peut avec les concerts... dans nos régions et un peu plus loin. Mais voici sans attendre notre séquence anniversaire qui débute. On se replonge le 9 octobre 1958 et un certain Eddie Cochran enregistrait ce qui deviendra un tout grand classique du rock and roll, le fameux Come On Everybody, qui sera un hit en 1959. Mais aussi 20 ans plus tard, en 1979, avec cette reprise signée Les Sex Pistols. Mais commençons notre séquence anniversaire avec Eddie Cochran, mais après ceci. Très bien, George, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là. C'est une machine à explorer le temps. Un grand modèle pourrait transporter un homme. Living in the past. La machine à remonter le temps. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. Vous êtes tombé, votre tête a heurté la chasse d'eau. Et c'est en vous relevant qu'il vous est venu l'idée de construire le convecteur temporel qui rend le voyage dans le temps possible. Let's go. Tonight. I got some money in my jeans and I'm really gonna spend them. Enchaîne avec la version des Sex Pistols. À vous d'apprécier la version que vous préférez. Moi, personnellement, j'ai un petit faible pour la version originale d'Eddie Cochrane. Et on fait un petit bond dans le temps. On arrive le 9 octobre 1969 et pour la première fois dans l'histoire de l'émission de télé anglaise, la célèbre émission Top of the Pops, les producteurs refusent de diffuser le titre qui est alors classé numéro 1. Figurez-vous qu'il s'agit d'un titre de Serge Gainsbourg et Jane Birkin, Je t'aime moi non plus, une chanson jugée à l'époque trop provocante. Résolue Même 40 ans, plus de 40 ans plus tard, cette chanson de Serge Gainsbourg, interprétée également par Jane Birkin, « Je t'aime moi non plus », reste une des mélodies et des textes les plus sensuels de la musique populaire. Et nous restons toujours le 9 octobre, mais en 1973, pour retrouver le King qui a des gros problèmes sentimentaux et qui divorce de son épouse Priscilla après 6 ans de mariage. Priscilla obtiendra, pour la circonstance, la coquette somme de $750,000. Et une pension de $4,200 par mois. Ça vaut la peine d'avoir connu le King, non ? Et nous le retrouvons en 1973, précisément avec un extrait de l'album Raised on Rock. Il s'agit de I Miss You. J'espère que tout va bien pour vous. Still, I recall all the good times together, the love we shared, the fun and the laughter. How I wish you could feel what my heart says tonight, dear. I miss you and I wish you were here. Had, they lay broken in sorrow. The plans I made, my hopes for tomorrow. If I could, I would tell you I'm lonesome tonight, dear. Oh, I miss you and I wish you were here. Inoubliable King, I Miss You, Elvis Presley. Et le 9 octobre 1978, c'est la Belgique tout entière qui pleure. Jacques Brel qui a succombé à la maladie. Au-delà de la Belgique, c'est le monde entier qui apprend ce jour-là la disparition d'un acteur de génie, mais surtout un interprète hors du commun. Nous le retrouvons dans un de ses titres phares, Amsterdam, en 1964, un enregistrement fait réalisé à l'Olympia. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent

Living in the past, mad in rap. Et on retrouve maintenant John Lennon, Stand By Me. Et après le père, voici le fils, John Lennon, Didmitz. Yeah. Il y a indéniablement un air de famille et le fils Sean Lennon a hérité de son père. Le sens de composition qui font mouche, c'était Dietmitt et Friendly Fire. Et pourquoi avoir choisi deux titres de la famille Lennon? Tout d'abord, John Lennon était, pour rappel, né un 9 octobre et il n'est pas malheureusement nécessaire de rappeler les circonstances de sa disparition. Il est par contre plus sympathique de se rappeler que son fils Sean est né également un 9 octobre, mais 35 années plus tard. Excellente transition maintenant pour notre séquence durant laquelle nous continuons à explorer les caractéristiques des compositions, des formations et des groupes qualifiés de rock progressif. Aujourd'hui, on s'attache à évoquer la distribution des rôles au sein des groupes de rock progressif, qui est elle aussi tout à fait différente de celle que l'on retrouve généralement dans les groupes issus de rhythm and blues ou du rock classique. The Soft Machine, par exemple, qui est une des formations célèbres, jouait sans guitariste. Van der Graaf, Generator, avait un organiste et un saxophoniste, mais par contre, pas de bassiste. Et pour suivre, des formations comme King Crimson accueillaient en son sein des multi-instrumentistes, tels que Ian MacDonald, qui joue du saxophone, de la flûte et du hautbois. Caravan, notre formation, met en vedette dès 1973 un violoniste, Geoff Richardson. Quant à Jethro Tull, il a comme point focal le flûtiste Ian Anderson, figure emblématique du groupe. Et pour autant, le remarquable groupe néerlandais Focus met lui en avant un guitariste soliste, Ian Ackerman. Voici, pour illustrer tout ça, tout d'abord King Crimson, on enchaînera ensuite avec Caravan et le titre Can You Hear Me, Jethro Tull et Bure, et puis finalement Focus, Hocus Pocus. Mais pour l'heure, retrouvons King Crimson, The Court of the Crimson King. Quasiment 10h moins le quart sur les ondes d'RQC.

J'espère que vous avez apprécié toute la virtuosité de ce musicien multi-instrumentiste que sont Geoff Richardson et son violon et Ian MacDonald, issu de la formation King Crimson, qu'on a écouté d'entrée de jeu avec le titre célèbre The Court of the Crimson King. Et on ne va pas rester sur notre fin, puisque je vous propose maintenant deux autres monuments. Jethro Tull Bouray, extrait de l'album de 1969 Stand Up, et Focus avec Hocus Pocus de 1970. Où naviguent les ondes libres ? RQC 95 FM. Le seul compromis, la bonne musique. Et c'est avec ce titre Hocus Pocus du groupe Focus que s'achève pour aujourd'hui notre saga consacrée à la musique progressive. Et j'espère que vous aurez apprécié particulièrement ces titres qui sont des titres célèbres du répertoire progressif, notamment cette Hocus Pocus, ce titre en forme de rondo. Composé par le virtuose guitariste Jan Ackermann ainsi que le flûtiste et keyboardiste Thijs van Leer. Peut-être que, comme sur ce titre, vous vous êtes essayé à quelques petites vocalises, pourquoi pas. L'heure est maintenant venue, presque 10h10 sur les ondes RQC, voici venu le moment d'explorer un peu de rock, non pas aujourd'hui d'expression française, mais issue de France. Car aujourd'hui, le groupe que je vous propose d'explorer chante en langue, dans la langue de Shakespeare, et non dans la langue de Molière. Il s'agit de Little Bob Story, et on commence de suite avec un titre qui était en fait une reprise de Faces, All or Nothing. Living in the past. Du rock made in France. We'll be right back. Little Bob Story, All or Nothing, cette superbe reprise dont il nous gratifiait en 1977 sur l'album Living in the Fast Lane. Et il nous gratifiait de cette reprise des Small Faces, un titre qui était sorti en juin 1967 sur leur album From the Beginning. Amoureux du rhythm and blues britannique des années 60, Little Bob, ce chanteur avré, à la voix puissante et généreuse, est un de ses personnages les plus authentiques et les plus attachants du rock français. Ce pionnier est l'un des très rares artistes de rock français à avoir créé un groupe de stature internationale au milieu des années 70. Nous le retrouvons ici dans un autre titre, High Time. Du rock and roll, du vrai, du réel, Little Bob's Story, High Time, un titre qui décoiffe comme beaucoup d'autres de son répertoire. Le groupe Little Bob Story est en effet un des rares groupes français à avoir percé au Royaume-Uni. En 1976, les rockers avaient signé chez Chiswick Records et profité de l'explosion de la vague punk. Ils participèrent d'ailleurs aux deux éditions du festival punk de Mont-de-Marsan en 1976 et 1977. Malheureusement, ils ne rencontreront pas le même succès en France qu'en Grande-Bretagne, et même si leur second album s'est vendu à l'époque à 60 000 exemplaires. Le groupe se séparera d'ailleurs dans un quasi-anonymat en 1989. Voici pour terminer Little Bob Story, Little Big Boss. Little Big Boss, Little Bob Story, ce titre clôturait notre séquence consacrée à ce groupe havré qui a connu le succès au milieu des années 70. Et concernant Roberto Piazza, le chanteur alias Little Bob, l'ingénieur du son de Bruce Springsteen et de John Lennon l'a qualifié d'une des cinq voix du rock. Malgré ses éloges et une carrière internationale, des albums pressés outre-Manche et même en Australie, le groupe n'a jamais dépassé le succès d'estime en France, peut-être à cause d'une trop grande immersion dans le style nord-américain. Voilà, nous allons maintenant explorer, après avoir exploré ce magnifique groupe de rock'n'roll, de punk, Little Bob Story, voici maintenant un peu l'histoire. On va retracer l'histoire de l'album du jour. Il s'agit de Mystery Girl de Roy Orbison, sorti en 1989. Mais auparavant, il faut se souvenir que, terrassé par une crise cardiaque, Roy Orbison quittait brutalement la scène le 6 décembre 1988, sans avoir pu savourer le triomphe de ce Mystery Girl, l'album qui sortira finalement à titre posthume en février 89, grâce notamment à son épouse et à ses amis de toujours. Après une vie jalonnée de drames personnels et familiaux, hein, rappelons-nous le décès de son épouse, enfin une première épouse suite à un accident de moto, le décès dans un incendie de deux de ses fils, un triple pontage cardiaque qu'il a dû subir fin des années 70, eh bien cet auteur-compositeur à la voix d'or semble appartenir au passé, à l'époque, même si le public connaît encore ses tubes. Hein, rappelons-nous de Only the Lonely Crying, Blue Bayou et surtout Oh Pretty Woman. Malgré tout, et de manière totalement surprenante, au début des années 80, il finira par renouer avec le succès. Il y aura tout d'abord un Grammy Award pour son duo avec Emmylou Harris, la célèbre chanteuse country, sur le titre That Loving You Feeling Again. La reprise par Van Halen d'un de ses tubes mythiques, Oh Pretty Woman. La reprise de In Dreams dans le film Blue Velvet de David Lynch. Et ensuite l'admission de Roy Orbison au Rock'n'Roll Hall of Fame. Et enfin, pour terminer, la signature d'un nouveau contrat avec la maison de disques Virgin. Alors, l'album Mystery Girl tire son titre du morceau She's a Mystery to Me, que nous allons écouter à l'instant, une composition de Paul Hewson et David Evans, alias Bono and the Edge, de U2. Voici She's a Mystery to Me. But if my love is blind, is a mystery to me. Night falls, I'm kept beneath her spell. Daylight comes, our heaven turns to hell. Am I left to burn and burn eternally? She's a mystery. Mystery Girl, on peut le dire, hein. Roy Orbison avait vraiment une voix de velours. Et comme sur la plupart des autres titres, c'est Jim Keltner qui est à la batterie, Howie Epstein à la basse, Ben Montench au clavier, et pour terminer, son ami de toujours, George Harrison, a même participé à lui à un titre, un autre titre, A Love So Beautiful. The summer sun was down on our love long ago, but in my heart I feel the same old afterglow. A love so beautiful in every way. Living in the Past. L'album du jour. Et voici You Got It. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. Formidable titre, ce You Got It, qui figure donc sur l'album de posthume de Roy Orbison, Mystery Girls. Et Roy Orbison a coécrit la plupart des titres de cet album avec ses complices de toujours, des Traveling Wilburys, à savoir Jeff Lynne et Tom Petty, on l'entend d'ailleurs dans le son. Et les sessions d'enregistrement de ce Mystery Girl se déroulèrent en octobre et en novembre 1988. Et donc l'album n'était malheureusement pas totalement terminé lorsqu'il décède à l'âge de 52 ans. Hein. Cet album sera finalement finalisé sous la direction de sa deuxième épouse, Barbara. You Got It, c'est le premier single à sortir dès janvier 1989. Un titre que Roy Orbison avait chanté pour la première et unique fois en novembre 1988, au Diamond Awards Festival d'Anvers, eh oui, chez nous. Et à sa sortie, l'album rencontrera bien entendu un succès international immédiat et tellement mérité.

De la radio à gogo. Quelle ambiance, ça promet pour ce festival de Roubaix, festival Roubaix à l'accordéon, qui a lieu donc, pour rappel, ce 12 octobre avec à l'affiche Kali, que l'on a écouté ici avec Elle m'a dit, un titre de 2003 qui figurait sur l'album L'amour parfait. Arnaud, qu'on a écouté, mais dans sa période tissimatique avec Oh là là, un titre de 1980. Et pour finir, les Wampas qui ont quelques petits comptes à rendre avec un certain Manu Chao. Et ce titre figurait sur un album au titre à rallonge totalement... difficile à épeler, Never trust a guy who after having been a punk is now playing electro. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Autre annonce, autre événement à venir ici tout prochainement dans la région, le Beatles Day, traditionnel Beatles Day qui a lieu, enfin qui établit ses quartiers au Théâtre Royal de Mons le 17 octobre prochain. Tous les fans des Beatles ont donc rendez-vous le 17 octobre prochain au Théâtre Royal de Mons pour le célèbre Beatles Day. Pour saluer l'événement, nous écoutions à l'instant Hello Goodbye, extrait de l'album Magical Mystery Tour, et j'en profite pour saluer notre ami Lux. Il nous écoute, je sais qu'il est particulièrement fan des Fab Four. Autre annonce, autre concert, un peu plus tard, le samedi 2 décembre 2017, Marilyn Manson sera à Forêt Nationale. On la retrouve avec une reprise d'Annie Lennox de Rhythmics Sweet Dreams. We'll be right back. c'est vrai que ça nous change de la version de Rhythmics. Living in the Past. Tout en métal. Balade. Though you're fooling yourself, dream on. Le groupe Nazareth et Dream On clôturaient cette petite séquence Art Rock Metal. C'est un titre qui figurait sur l'album 2XS de 1982. Auparavant, nous avons eu la chance de réécouter un extrait du tout nouvel album d'Alice Cooper, Paranormal, et sa plage titulaire. Et nous avons débuté cette séquence avec Sweet Dreams de Marilyn Monroe. Tout cela pour vous signaler donc la venue de Marilyn Monroe. Marilyn Manson le samedi 2 décembre à Forêt Nationale. Alice Cooper, lui, sera à Daines le mardi 5 décembre au Brillport. Et quant à Nazareth, lui, il se produira, car il tourne toujours, hein, ce groupe des années 60-70, il se produira le 14 décembre au Spirit of 66 de Verviers. C'est un peu loin pour s'y rendre, mais enfin, on ne sait jamais. Les fans de toujours seront peut-être intéressés à aller les écouter une nouvelle fois. Et j'en profite aussi pour rappeler, ça concerne les Moucronois, ça nous concerne, le samedi 2 décembre 2017, petit rappel, ce sera la 13e nuit du blues au centre Marius Stacquet de Moucron. Et on enchaîne avec Kiss Choice, I'm Not Addict. Onze heures neuf sur les ondes d'RQC. Out and past it on, it's almost out, we're Case Choice, I'm not addicted dans la série. Pardon. Il y a une petite erreur au niveau de la programmation, excusez-nous. Et dans la série, c'est du belge, toujours. Voici Trigger Finger Flesh Tight. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et c'était donc Trigger Finger après Key's Choice. Pour vous signaler que ben, si vous aviez l'intention en tous les cas d'aller applaudir Key's Choice le mercredi 13 décembre à l'ancienne Belgique, ben, sachez qu'il est trop tard, tout est déjà complet. Idem pour Trigger Finger qui se produit lui le 14 et le 15. Aussi à l'ancienne Belgique, mais c'est aussi complet. Ils seront par contre le lendemain 16 décembre à l'aéronef à Lille. Je ne sais pas s'il reste encore des places là. Quant à notre séquence C'est du Belge, on la poursuit pour, en vous signalant que le vendredi 15 décembre, toujours, Jasper Steverlink sera chez nous, bien chez nous, au centre Marius Staquet de Moucron. Nous le retrouvons ici avec deux titres, That's Now How Dreams Are Made, un titre actuel de 2017, et ensuite une reprise des Rare Birds, Sympathy, extrait de l'album Songs of Innocence. Donc pour rappel, le vendredi 15 décembre 2017, il est peut-être encore temps d'aller réserver quelques places, Jasper Steverlink en concert. Forgot about you, lover, and the way we used to be. Forgot about the heartache and the night you set me free. forgot about you, lover, dancing in the breeze. That's not how dreams are made. Forgot about you, lover, and the clothes you used to wear. Forgot about the heartache and the nights we used to share. Forgot about you, lover, you left me standing there. That's not how dreams are made. But where are you now? Now that my heart it aches, where are you now? My heart it breaks. Forgot about the sunshine, you're living there, I hear. Forgot about the heartache, it slowly disappeared. Forgot about you, lover, you faded with the years. That's not how dreams. My heart it aches. Where are you now? Now that my heart it breaks. Where are you now? Now that my heart it aches. Where forgot about you, lover, and the way we used to be. Forgot about the heartache and the night you set me free. Forgot about you, lover, dancing in the breeze. That's not how. Sympathy is what we what we need. And sympathy is what we need, my friend. For there's not enough left to go around. Superbe reprise de Rarebird, Sympathy, Jasper, Stableling, qui pour rappel se produira ici à Moucron, au centre Marius Stacquet, le 15 décembre 2017. Ça promet d'être une excellente soirée. Il est déjà 11h25 sur à l'horloge d'RQC. Voici bientôt venu le moment de nous séparer. Sniff, sniff. Que Dieu que c'est triste que ça passe vite. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. On va finir en roue libre avec les Foo Fighters, qu'on retrouve avec un titre de leur album éponyme de 1995, This is a Call, Foo Fighters. Visiting is pretty, visiting is good. Seems that all they ever wanted was a brother. Fingernails are good. Seems like C'était en juin 1995, la sortie du simple This Is The Call imposait avec évidence les talents de compositeur de Dave Grohl, et le même mois paraissait chez Roswell une sous-marque de Capitol, cet album éponyme Foo Fighters, un album à la fois dynamique, à la dynamique hardcore, mais qui se révélera cependant assez mélodieux. Et pour terminer cette émission, avant de nous quitter définitivement et de vous souhaiter d'ailleurs une excellente semaine, on va retrouver un classique de chez classique, The Isley Brothers, The Whole Earth of Mine Is Weak For You, un titre de 1966. Et cette année-là, les Isley Brothers, dont la carrière s'étiolait à nouveau, se sont sauvés par un contrat avec la Tamla Motown. Et ils enregistraient une chanson de Holland Dozier Holland, qui les considérait un peu comme une extension, on va dire ça, des Four Tops, leur taille, un titre sur mesure. Et voilà, This Whole Earth of Mine atteindra quand même la troisième place des charts. Voici donc The Isley Brothers, en vous souhaitant une excellente semaine et en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même adresse, RQC95FM ou RQC.be. Living in the Past. Le meilleur du classique. Hi, this is Robert Plant. Hi, this is Jimmy Page of Led Zeppelin. This is Angus Young of AC/DC. Hi, this is Kenny Jones. Hi, this is Paul Rodgers. Hi, this is Mick Jones of Foreigner.